Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 80. J'espère que vous allez très bien en ce mercredi, le 18 août 2021, mesdames et messieurs. Je suis de retour de vacances, donc j'ai recommencé à travailler lundi, ici, au QG, quartier général de Rétro Montréal. Et puis, voilà, j'étais parti pendant 2 semaines. Et puis, le spectacle d'aujourd'hui va être pas mal là-dessus, je dirais, parce que c'est ça que j'ai fait les 2 dernières semaines, comprendrez-vous. Et puis, le pire, c'est que j'ai même pas joué à grand-chose, donc je sais même pas si je vais parler de jeux vidéo. Mais de toute façon, est-ce que je comprends, il n'y a plus personne ici qui écoute ça pour l'aspect jeux vidéo de la chose. Alors, on va parler des affaires personnelles pas mal. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, on avait booké, on commençait ça, drette de même. J'ai déjà de la caféine dans le sang, pas mal. Beaucoup de caféine. Fait que, here we go. On avait booké des vacances dans le Bas-Saint-Laurent en février dernier, parce qu'on était full on COVID dans ce temps-là. Et puis, bien sûr, tout se book à la vitesse de la lumière au Québec, tu sais. Les chalets, les ci, les ça. Fait que, pour pouvoir faire des vacances avec des amis. Nous, depuis qu'on a déménagé dans Rosemont, on s'est fait des amis dans le quartier, tu sais, nous, les parents. Dans notre ancienne maison, on n'avait pas de vie sociale de quartier vraiment. Tu sais, on avait du monde qu'on connaissait un peu, mais tu sais, il n'y a personne, mettons, qui venait chez nous, whatever. Tu sais, on n'avait pas de monde proche, où nos enfants étaient trop jeunes pour avoir des amis dans le quartier aussi, ou je sais pas, tu sais, on était comme un peu isolés. Puis depuis qu'on a quitté, ça fait 3 ans maintenant, on a comme, tu sais, il y a beaucoup de monde, il y a comme une vie de ruelle et tout le kit, puis fait qu'on a fait connaissance avec nos deuxièmes voisins d'à côté, qui nous ont présenté leurs amis à eux. On s'est rendu compte que là-dedans, il y avait du monde de hockey un peu aussi, fait qu'on connectait, puis on connaît d'autres personnes. Fait qu'on est un petit groupe de, avec nous, 4 familles, en fait. Et puis, on a chacun 2 enfants qui ont, les plus vieux, tous le même âge, 13 ans, genre qui commencent, qui sont en secondaire 1. Puis les plus jeunes, c'est un petit peu variable, 8, 9, 10 ans. Fait que mon plus jeune étant le plus jeune de la gang. Mais il est tellement mature qu'il fit bien. Donc, vu que les enfants connectent, ben nous, les parents, on est ensemble puis on s'amuse. Puis les parents, on connecte aussi. Alors, on a une super belle... c'est comme un nouveau cercle, tu sais. C'est ça qui est le fun. Puis, on dit souvent, tu sais, les gens, « Ah, en ville, personne ne se parle. En ville, c'est froid, la ville, c'est froid. » Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu en région, puis j'ai vécu en ville. Maintenant, plus longtemps en ville qu'en région, à 40 ans, vu que je suis parti de chez nous à 17. Et je trouve qu'en région, ou en banlieue, ou whatever, où est-ce que tout le monde est isolé en groupe, en communauté, une maison, une etc., une maison, une etc., les gens sont moins collés ensemble, sont moins connectés, je trouve, qu'en ville. Puis, une vie de quartier, tu sais, c'est super ici en ville, c'est super en grande ville. Là. C'est très effervoyant, c'est ça le terme? En tout cas, je cherche mes mots, là. Mais c'est ça, ça bouge, le monde se parle. « Hey, j'ai du stock de hockey à vendre, ah, le troisième voisin, dans la discussion Facebook du chat de Ruelle, tu sais, qu'on est tous dedans, il l'achète, tu sais, comme... » Fait que on connaît tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tu sais, c'est très différent, je trouve. Et puis, moi, personnellement, je trouve vraiment qu'en ville, les gens sont plus sociables qu'en région ou à l'extérieur. Alors, arrêtez de dire que tout le monde regarde à terre, personne ne fait rien. Tout le monde se font des sourires. Je peux te garantir que si tu tombes à terre dans le métro et évanoui, il y a plein de monde qui vont t'aider. Tu sais, c'est pas... En tout cas, c'est un petit point que je vais approcher. Et puis, pourquoi je dis ça? Ouais, fait que on est une gang d'amis puis on s'amuse. Alors, on voulait réserver avec 2 de ces familles-là. On a réservé au camping Koa. Ça, c'est proche de Trois-Pistoles, très proche de Trois-Pistoles, en fait. Et puis, avant Rimouski, là, tu sais. Fait que c'est cheap. Ben, c'est quétaine un peu. Mais ce qu'il y avait de bon, c'est qu'il y a une genre de petite plage sur le bord d'un lac, là. Et puis, il y a des chalets. Il y a genre 4 chalets. Puis le reste, il faut que tu aies une tente ou de Winnebago. Mais il y avait 4 chalets, là. Fait qu'on en a loué 3. Et puis ainsi, on s'assurait que peu importe ce qui arrive avec la COVID, on a chacun un chalet isolé. Parce que l'année passée, on avait loué un gros chalet, tout le monde ensemble. Je pense qu'on était plus ou moins légal, je sais plus, là, je me rappelle plus. Ou on était peut-être trop, mais là, on était au moins correct. T'sais. Alors, on pouvait pas se faire canceller ça. Donc, c'est là qu'on est allé. Première journée, tu sais, le Bas-Saint-Laurent, dans le fond, nous autres, on part de Montréal, on arrive à Québec, puis rendu à Québec, on va en direction Rivière-du-Loup et par là. C'est drôle parce que normalement, on tourne à droite, puis on va plutôt en Beauce, tu sais, c'est là que ça se sépare. Tu vas-tu à Québec, tu continues vers Rimouski ou tu t'en vas en Beauce, tu sais. Fait que là, on a continué, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé par là. Et puis, c'est une très belle route. C'est quand même une couple d'heures de route, là, on s'entend. Fait qu'en montant, on voulait arrêter à quelques places, donc pour manger, puis pour faire le plein de ci, de ça, avant d'arriver à nos chalets. Donc, premier arrêt était à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a une microbrasserie, Ralbock, qui est là-bas. Et puis, moi, je connais cette microbrasserie-là depuis un bout, parce que leurs produits sont disponibles partout. Et puis, c'est des bons produits, c'est des bons produits. Quelque chose que j'avais moins aimé de Ralbock, c'est que dans le temps, ils faisaient une IPA qui s'appelait Bob la bouteille, chose de même. Et puis, moi, j'avais goûté ça dans le temps quand j'avais un peu... Quand je découvrais la micro, tu sais, puis que je me mettais là-dedans, j'avais vu ça, je suis comme « Ah, waouh, c'est donc bien bon, tu sais! » Puis là, ils avaient arrêté de la faire. Puis je leur ai écrit un moment donné, là, ça fait quand même un bout. « Hey! Ben, j'avais été poli, là. Hey, je trouve plus de Bob la bouteille. Est-ce que... Pourquoi, tu sais, avez-vous arrêté d'en faire? » Ils m'avaient répondu super bête. « Ben oui, c'est parce qu'on a arrêté d'en faire. » Tu sais, comme ils niaisaient, genre. C'est comme « OK, tu sais. » C'est comme super bête. Puis avant d'aller en voyage, là, avant de partir là, j'essayais de comprendre comment c'était fait Ralbock, tu sais. Et puis, fait que là, je leur ai écrit, tu sais, avez-vous de la bouffe? On peut-tu comme manger lundi? Faut-tu réserver, tu sais? Puis j'ai jamais eu de réponse. Fait que très désagréable au niveau des médias sociaux. Et puis, quand on arrive là-bas, en fait, c'est compliqué. Parce que là, eux, ils ont une usine. Qui je suis pas sûr qu'elle est à Saint-Jean-Port-Joli, je pense qu'elle est peut-être à la Pocatière, qui est pas loin de là. L'usine est séparée, l'usine est quelque part, puis leur pub, il est au-dessus d'un restaurant. J'ai oublié le nom du restaurant, je pense que c'est le Bistro OK ou quelque chose de même, là. Parce qu'il est un super beau spot sur le bord de l'eau, tu sais. Fait que t'as un bistrot là, mais là c'était comme pas clair, tu sais. Il est où le pub de Ralbock? Nous autres, on va aller chez Ralbock, tu sais. Mais Ralbock, le pub, il est au-dessus du bistrot. Donc, au deuxième étage. Fait que là, dans le fond, tu peux pas aller en haut parce que tu peux pas manger là. Il y a pas de bouffe en haut. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est aller au bistrot OK, manger là, puis avoir de la bière de Ralbock. Ou tu peux aller en haut juste prendre une bière. Mais là, on est en voyage, tu sais. Fait qu'on n'est pas là pour se saouler. Donc, on a pris une bière Ralbock pour accompagner nos repas, tu sais. Mais après le repas au bistrot, je voulais quand même aller voir le pub en haut, tu sais. Et là, j'arrive en haut. Là, il y a une petite barrière qui nous empêche de passer parce que, tu sais, là, je demande à la fille, y a-tu, tu sais, on vient de boire et manger en bas, tu sais, mais en haut ici, y a-tu, on peut-tu prendre de la bière pour emporter? Avez-vous des verres, tu sais, quelque chose, de la merch? Je dirais, ah non, on peut pas rien, ils peuvent pas vendre de la bière pour emporter. Là, les verres, elle dit, oh, on a comme un ou deux verres, tu sais. Elle a comme littéralement, quand on est arrivé, elle a ouvert la barrière. Là, quand j'ai expliqué la situation, elle a comme refermé la barrière. Puis là, elle nous a expliqué ça. Là, je suis comme, ben... Là, on a une boutique. La boutique est là-bas, à l'intersection, tu sais, avant de venir ici, proche de l'église, je sais pas quoi, ils ont une boutique. Fait que là, Ralbock, ils ont une usine à la Pocatière, ils ont une boutique à Saint-Jean-Port-Joli, puis un petit peu plus loin, sur le bord de l'eau, ben, vraiment pas loin quand même, là, il y a le pub, tu sais, fait que c'est splitté, tout ça, là. Fait que là, je suis comme, OK, bon, salut d'abord, fait qu'on est parti. Puis, tu sais, moi, je n'aurais acheté un verre, là. Je ne sais pas pourquoi. Même si tu en as juste deux choix, je m'en crisse, là, je vais encourager, tu sais. Fait qu'on nous a pas laissé vraiment, on nous a pas invité à. Tu sais, j'ai même pas vu la plage, j'ai pas pu rentrer, whatever, tu sais. Donc, c'était très moyen. Et puis, on a crissé le camp parce que j'avais pas le temps d'aller là, à l'autre place acheter de la merch, tu sais. Puis leur boutique est vraiment belle en plus, ben je l'ai juste vue sur Facebook là, parce que en m'en allant, j'ai essayé de zioter, voir, tu sais, si je la voyais quelque part, là. Mais c'était un genre de, je pense, un ancien garage, qui a été peint en blanc et puis qui a tout été tagué, illustré à la peinture par des artistes quelconques. Donc c'est vraiment, vraiment magnifique. Moi, je trouve ça beau, ça. Moi, j'aime ça, les garages de même, t'sais. Moi, c'est... Mettons, Arcade Montréal, j'aurais aimé ça que ça soit comme un garage de même. T'ouvres les portes, t'sais, l'extérieur, c'est tout tagué, des affaires de gaming en dedans. C'est garage, les arcades, pis tout. Donc, ça avait l'air bien ça coche comme truc. Mais c'est juste que, t'sais, là, pas le temps d'aller là, t'sais. Fait que, moi, je voulais voir Rollbuck. Finalement, j'ai pas vu grand-chose de Rollbuck, à part une pinte qui m'a été très mal expliquée au restaurant, où est-ce que... Ah, c'est... Cette bière-là, c'est une blonde, cette bière-là, c'est une rousse, cette bière-là, c'est une blanche, je sais pas quoi, je me rappelle plus. Puis ça, c'est une... on a la watatatao, là, tu sais. Là, elle savait pas ce que c'était. J'ai dit, ben, ça devrait être techniquement une milkshake IPA, c'est ça d'habitude. La watatawao, en passant, c'est pas watatatao, c'est watatawao. Donc, la madame connaissait pas les bières non plus, tu sais. Tu sais, Boréal, ça a marché, là, leur affaire. Là. T'as une bière blonde, t'as une bière rousse, puis t'as une bière dorée, puis t'as une blanche. Mais ça, c'est juste des noms de couleurs, tu sais. C'est pas un style, ça, une rousse, tu sais. C'est une pale ale, ta blonde, c'est quoi? C'est une lager, c'est une pils, c'est une ale, c'est quoi, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'il n'y aurait pas moyen de savoir ça non plus. Donc, j'avais une pinte de blonde, puis c'est tout ce que j'ai eu de Rollbuck cette fois-là. Alors, Rollbuck, excellent produit, bien sûr, mais tu sais, comme l'expérience que j'ai eue là-bas, j'ai trouvé ça très moyen. Fait que, fuck off, ça. C'est ça que ça a été. Et puis, à titre informatif, ils ont refait une édition de Bob la bouteille éventuellement que j'ai acheté. Donc, voilà, merci. Au moins, ils ont fait ça. Ah. Puis, c'est ce qu'il y a de drôle avec Rollbuck aussi, c'est qu'ils ont toutes des bières. Il y a une Bam Bam Bigelow, Razor Ramon, tu sais, ils prennent des Watatata, tu sais, ils prennent des affaires qui existent, puis ils se l'accaparent, puis ils pitchent ça sur leur canette. Comme, waouh, il n'y a personne qui flag, tu sais, j'imagine que la WWE, ils ont pas le temps de checker ça, mais man, ok, c'est vraiment Razor Ramon est sur la canne, tu sais, comme en position toute, là, c'est un portrait de Razor Ramon, c'est même pas comme une inspiration de, c'est lui sur une canne, tu sais, c'est incroyable, je sais pas comment ce qu'ils font. Fait que, prochain stop, on continue vers le nord, on arrêtait à Kamouraska pour quoi, donc? Qu'est-ce qu'il y avait à Kamouraska, non? Crème glacée qu'on avait promis aux enfants. On voulait aller marcher un petit peu dans le village. On est allé au magasin général qui appartient maintenant à Christian Bégin. À Curieux Bégin. Et puis, mais on a, je pense qu'il n'a pas encore pris complètement... Curieux Bégin est une autre personne. Je pense la grande cuisinière là, en région. J'ai oublié son nom. Là, t'sais, ben, ça accroche. On la voit souvent à TV. Et puis, je pense qu'ils ont acheté ça, ce magasin général-là, puis qu'il faut qu'ils le renippent un peu, au sens de rebrasser ce qu'il y a en dedans. Mais je pense, en tout cas, ce qu'on m'a dit, que c'était pas encore fait. Fait que c'est ça. Ben, c'était joli, là, c'est une bâtisse puis tout. Mais tu sais, il y a du Gatorade, des antiquités. Y a... C'est un magasin général. Fait que, mais c'était très beau. J'ai bien aimé ce village-là, la crème glacée, tout sur le bord de l'eau. Moi, c'est ça que j'aimais de ce voyage-là. Tout était tout le temps sur le bord de l'eau, tu sais. C'est... sur le bord du Saint-Laurent, c'est vraiment magnifique. On a continué un petit peu plus, non loin de là, à la microbrasserie Tête d'Allumette. Donc ça, c'est un must parce que leur bière, ils doivent être disponibles, j'imagine, à des places dans le Bas-Saint-Laurent, mais par ici, c'est pas disponible, tu sais. Fait que, puis l'emplacement, il est vraiment superbe, là. Quand tu vas prendre une bière là en arrière, tu vas sur le bord de... C'était vraiment la vue incroyable, tu sais. Fait que, mais tu sais, nous autres, encore une fois, on était en route, fait qu'on s'est pas arrêté pour boire. On aurait dû arrêter pour boire là, mais le problème, c'est qu'on pouvait pas manger. Il faut nourrir les enfants. Là. Tout le monde peut pas dîner aux peanuts. Là. Fait que, dîner aux peanuts. C'est très drôle. Et puis, fait qu'il fallait nourrir les enfants. C'est pour ça qu'on est arrêté à Saint-Jean-Port-Joli, là, mais au bistrot, OK. Alors, voilà, Tête d'Allumette, j'ai acheté une dose de bouteilles. C'est des bouteilles, j'ai oublié le nombre de millilitres dedans, mais c'est des bouteilles un peu plus grosses, là, tu sais, qui ressemblent aux bouteilles de Trou du Diable, là, mais je pense qu'il y en a un peu moins dedans. Et puis, vraiment un 12-pack mix de toutes. Fait que je voulais essayer. Fait que ça m'est revenu à... Puis j'ai acheté un verre, comme vous avez vu sur ma publication Facebook, un ballon. Donc, ça m'est revenu à 100$ à peu près. Mais si t'enlèves le verre, tu divises par le nombre de bouteilles, ça revient très bon marché. Genre 5$, 6$ la bouteille, là, je sais pas trop. Fait que peut-être même moins que ça, je me rappelle plus. Alors, très intéressant. Là, je suis pas à l'affût d'exactement, mais on me dit que tête d'allumette, il y a comme un procédé de brassage. Ça s'appelle tête d'allumette parce qu'il chauffe des trucs au bois, tu sais, pour faire la bière et tout, quelque chose de même. Alors, très artisanal, mais très comme, je veux dire, ça existe place, là, c'est très professionnel, c'est ça, la grosse coche. Donc, mais seule affaire étrange, il n'y a pas d'IPA là-bas. Là, je demande à la fille, tu sais, avez-vous des IPA aussi? Parce qu'il n'y en a aucune dans votre mix pack, mais non. Propriétaire tête d'allumette, il dit, les IPA, c'est une mode, ça. Et puis, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Genre. OK. Décision de... c'est une décision. Moi, je pense personnellement que les IPA sont quand même fucking là pour rester. oui, c'est extrêmement à la mode. Est-ce que ça va toujours l'être autant? Autant, peut-être, oui. Ça va demeurer un style extrêmement populaire, je pense. C'est, on est passé au-delà du stade de la mode, là. T'sais, c'est pas genre... t'sais, moi, tant qu'à moi, je trouve que les bières sûres, c'est plus une mode t'sais, que les IPA, mais les bières sûres, ça reste aussi, ça va rester aussi. Là, t'sais, ça fait partie du paysage, maintenant. Donc, très haut de coup comme mentalité, mais c'est bien correct, parce que c'est leur... c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut, ses produits sont excellents, alors voilà. Donc, magnifique, j'aurais aimé rester plus longtemps là-bas, puis checker ça, mais tu sais, c'est ça. Déjà qu'on faisait beaucoup de char, on avait les enfants qui étaient tannés, puis tout, fait que on était un petit peu pressé dans le temps. Mais il fallait s'acheter du boire, alors ça a été mon boire, ça, pas mal pour le... pour le voyage dans le Bas-Saint-Laurent. Un arrêt à Fromagerie des Basques, non loin de là aussi, qui est une destination, là, à ce que je vois. Il y avait des chars partout, là, tu sais. Puis on m'a dit que ça jamais tout le temps, là, auparavant. Puis là, ils ont finalement mis des lumières pour gérer le trafic, parce que c'est comme jamais capable de sortir du stationnement, tu sais. Donc, c'est pas juste... moi, je m'attendais, oh, petite fromagerie, tu sais, dans le village, en bois, tu sais, avec une madame avec un chapeau. Bonjour! Non, non, non, c'est comme une fucking usine, tu sais, c'est un gros magasin avec un gros restaurant à côté, une lumière, des chars de stationnement. C'est comme, OK, c'est la grosse affaire, ici. Tout le temps plein de monde, donc ça fait un bouchon en y allant. En revenant aussi, il y avait un bouchon. Fait que, impressionnant, grosse business. Mais c'est ça, moi j'étais dans le troisième char, tu sais. Rendu à ce niveau-là aussi, les enfants étaient tannés, fait qu'on a commencé à les mélanger dans les chars. Les grands dans un char, les petits dans un autre char, un autre couple il y a tout seul. Fait que bref, j'étais dernier. Les autres avaient déjà acheté tout ce qu'il fallait, fait que je suis même pas rentré dans la place, alors voilà. Mais j'ai mangé du fromage des Basques et puis c'était très bien. Fait que, arrive au camping, c'était au chalet, c'était notre première journée, donc c'était lundi. Pas fait grand chose d'autre, le temps de s'installer et tout. Et puis, vu qu'on avait trois chalets, puis le nôtre c'était vraiment le plus gros et puis le plus beau, mais c'était sur le bord de l'eau, là, tu sais. Ben, sur le bord. Il y avait un escalier pour descendre à la plage, là, tu sais, mais c'était parfait. Là. On était vraiment bien, de beaux grands chalets et tout. Fait que j'avais amené la Switch et puis j'ai branché ça dans notre chalet. Et puis, mais là, on voulait pas emmener de PS4 pour que les plus vieux ils collent puis ils jouent à Apex, whatever. On s'est dit, la seule chose qu'on amène, c'est une Switch, puis ils joueront à des jeux sociaux, des jeux ensemble, tu sais. Et puis, fait que j'avais fait une présélection de jeux, j'avais juste amené des jeux co-op, tu sais, puis des affaires comme Overcooked, puis Just Dance. Excusez, j'avais amené des Beat'em Up, Streets of Rage, tu sais, plein d'affaires qui se jouent en co-op, là. Des affaires que je dis, ah, vous essayerez ça peut-être, là, tu sais, si vous pouvez plus. Mais tu sais, Brawl Stars, c'est un jeu mobile, ça, c'est très... c'est dur à battre, là. Tous les flots, ben, de notre communauté, et ils sont là-dessus. Mon fils étant deep là-dedans, tu sais, il s'est rendu qu'il joue même plus à PS4, il fait juste jouer à Brawl Stars. C'est fou, là. Moi, je trouve ça plate, ce jeu-là, en plus. C'est comme un top-down shooter que tu contrôles, puis t'as des bonhommes, puis tu unlocks, tu sais, tu ramasses de l'argent, bien sûr, tu unlocks des personnages, des guns, des affaires, tu sais, mais c'est très cartoony, là. C'est cartoony à côté. Fait que c'est un 3 contre 3, où tu peux faire une game de soccer, mais c'est ça, c'est un top-down, si je peux dire, shooter, et puis, trouve ça bien plat. Mais en tout cas, eux autres sont fascinés par ça. Ce qui fascine les enfants, c'est pas de finir un jeu. Tu sais, pas d'essayer de faire Mega Man 2. Là. Ce que les enfants veulent, c'est changer, upgrader les skins, avoir le meilleur gun, savoir qu'il y a une prochaine season pass qui arrive dans un mois, être excité de voir c'est quoi le qu'il y a dans le big bag qui va unlocker quand il va avoir tué ou fait tant d'affaires. Tu sais, ça... Ils se nourrissent de ça, tu sais, ils virent fou. Cependant, quelque chose qui a marché, pendant que nous autres, à chaque soir, quand nous, les adultes, on était dehors au feu de camp, Puis tu sais, on les a emmenés, les enfants au feu de camp, là, mais tu sais, ils aiment pas ça. Tu sais, fait noir, ils mangent une coupe de guimauve, ils tournent en rond, ils savent pas quoi faire, ils s'éparpillent. Fait que, ils venaient manger une coupe de guimauve, des chips, ils retournaient en dedans, puis ils retournaient gamer. Fait que tous les enfants, puis ils étaient 6, ils ont joué à Towerfall. J'avais emmené Towerfall. Puis moi, j'avais joué à ça avec mes kids, puis mon plus jeune, il a bien aimé ça. Mon plus vieux, il a comme embarqué, pas dans le sens qu'il va en faire une passion, mais il était comme, il trouvait ça drôle, tu sais, qu'on se batte, puis tout ça. Fait que là, on avait 6 manettes, fait qu'ils ont tous joué à Towerfall. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, là. Je suis comme, waouh, incroyable. Ce jeu-là est vraiment efficace. C'est vraiment un bon jeu. J'avais fait une publication Facebook là-dessus, d'ailleurs. Donc, j'ai été surpris. Towerfall a été le seul jeu auquel tout le monde a joué sur Switch, sinon les autres jouaient à Brawl Stars, tu sais. Fait que ça a été ça. Fait que, ben, au moins, on avait ça. Fait que pendant que nous autres, on picolait, puis qu'on était sur le bord du feu, puis qu'on chillait, ben, les jeunes étaient en dedans, puis ils gamaient, puis on avait la paix, puis c'était merveilleux, puis c'était bien correct. Fait que mardi, le lendemain, on checkait les météos, tu sais. Parce que le lendemain, il annonçait pas beau. Alors, on s'est dit, ça va être la journée qu'on va aller à Rimouski. Parce que j'étais pas allé à Rimouski depuis le cégep, je pense, que j'étais allé avec ma gang d'amis de Rimouski dans le temps. Donc, j'avais des plans, on avait tous des plans, puis ça n'a pas super bien été. On voulait aller visiter d'abord le sous-marin à Pointe-au-Père, et puis il y a le musée aussi de l'Empress of Ireland, juste à côté, donc sur le même site. On s'est dit, on va faire les deux, tu sais. Parfait. Après ça, on ira à Rimouski, on va avoir une belle journée garnie, on va chiller, ça va être le fun. Là, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si mes vacances étaient 2 semaines après la construction, il y avait du monde en tabarnak partout, partout, partout. À Rollbuck, au Pop Bistro, okay, à Tête d'Allumette, toutes les line-up qu'on a faites, aux cantines, la fromagerie, le sous-marin, c'était horrible. Des line-up partout, partout, partout. C'est très bon pour les vacances au Québec, tant mieux pour tout le monde, mais en tant que vacancier, c'était vraiment désagréable, t'sais. Fait que là, c'est comme Chris, mais ça n'a pas d'allure. Combien de temps ça va nous prendre avant de réussir à visiter ce sous-marin là? La réponse était 2h30. Alors, on s'est séparés. On a mis des gens dans le line-up du sous-marin. On a mis des gens dans le line-up du musée Empress of Ireland. Puis moi puis un autre père, on a été dispatchés pour amener les enfants manger parce qu'il y avait comme ça allait ben trop long. Puis moi, je voulais vraiment essayer la cantine de la gare à Rimouski, même si je l'avais peut-être essayé dans le temps. Mais ça faisait trop longtemps. Alors, on a pris tous les flots, petits et grands, dans 2 chars, moi et un autre père, puis on est parti dans le temps de Rimouski pour aller à la cantine de la gare, ce qui est quand même 12 minutes de là, à peu près, tu sais, 12-15. Fait que là, on fait ça, on commande du manger pour tout le monde, et puis là, on reçoit un texto. C'est comme, ah, finalement, le line-up est plus court, là, faut revenir, parce que là, on est rendu, puis là, on laisse passer les gens, mais là, c'est... On se fait mettre de la pression, on se dit oh, ok, les jeunes, vite, mangez vos hot dogs, mangez vos affaires. Là, une grosse boule dans le ventre, vite, on repart en char, vite, faut aller là-bas. Puis c'était pas relaxant pendant tout. Puis moi, je voulais aller au Griffon d'Or aussi, à Rimouski, la boutique de jeux. Elle était à 30 secondes, tu sais, de la cantine de la gare. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, on a le temps, on va manger, je vais aller là, comme ça, je ferai pas chier personne avec mes jeux vidéo. Puis après ça, on va se retourner dans le line-up, tu sais. Mais on n'a pas eu le temps. Je me peigne en regardant la caméra. Fait qu'on retourne là-bas, on abandonne Empress of Ireland, on s'est dit on va faire que le sous-marin, et puis that's it. T'sais. Fait qu'on a réussi à faire la visite du sous-marin. J'ai été très impressionné. Pour vrai, là, si vous allez là-bas, t'sais, ça a l'air de rien, là, mais une fois que t'es dedans, c'est comme wow. T'sais. Puis même dans le vestibule, en attendant, ils te mettent une vidéo sur. Il y a comme un vidéo documentaire sur comment est-ce qu'ils ont amené ce sous-marin-là jusque-là, puis surtout, comment est-ce qu'ils l'ont sorti de l'eau pour le parquer, t'sais, ce qui est vraiment pas une mince affaire. Et puis, crime, le documentaire était très. Moi, j'aurais resté là écouter le documentaire au complet, c'était vraiment bon. Fait que visiter ce sous-marin-là, tu vois, il y était 70 là-dedans. 70, puis là tu regardes ça, puis tu sais comme, mais tabarnak, c'est des petits lits empilés les uns sur les autres, tu sais comme, tu peux pas bouger, t'es couché sur le dos, comme sur une civière, tu sais, une civière d'ambulance, tu sais, pas large, la largeur de ton corps, puis that's it, puis celui du haut, tu sais, il a chaud, parce qu'il fait chaud en haut, puis il est comme dans l'arche du rond du sous-marin, il y a encore moins d'espace, tu sais, il y avait dans... C'est cool parce qu'il donne un genre de petit téléphone électronique, je sais pas quoi, là, un genre de device que tu traînes avec toi, que tu te mets dans le cou. Puis quand tu arrives sur une pastille avec un numéro, tu composes le numéro sur le téléphone, puis là, ça parle, ça t'explique. OK, ici, c'est la salle de moteur, il y avait du monde qui dormait là, les officiers y allaient là, il y avait du monde de. Tu sais, comme toute la vie dans le sous-marin. Fait que c'est vraiment bien fait. Mais moi, les lits, man, la vie de ces gens-là, cauchemardesque. C'est incroyable. Comment est-ce qu'ils faisaient ça, man? Puis c'est compliqué aussi, un sous-marin. Tu peux pas te promener là-dedans comme tu veux quand t'es un sous-marinier parce qu'il y a une balance à maintenir. Donc, si tout le monde qui sont en arrière s'en va en avant, là, derrière, il va lever, tu sais, tu comprends? Alors, tu peux pas non plus... En plus d'être enfermé là-dedans, en dessous de l'eau pour toujours, tu peux pas non plus te promener gaiement dans le sous-marin. Fait que faut pas que tu sois claustrophobe, là, je te le jure. J'en parlerai pas pendant des heures, mais pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Là. C'était vraiment tellement de pitons, man, pis de tubes, pis de valves là-dedans. J'ai dit, Chris, comment est-ce qu'ils font? Il y a pas des gens pour savoir, c'est incroyable. Il y a des milliers de valves, tu sais, genre 3000 ou 6000, je me rappelle plus, pis il faut que tout le monde sache ce que chaque valve fait. chapeau aux sous-mariniers. Ça prend du monde intelligent puis du monde solide en tabarnak, là, sérieux. Ça prendrait. Mais mettez au pouvoir des sous-mariniers, là, t'sais, ils en ont vu d'autres, là, laissez-moi vous le dire. Fait que après ça, ben, il était trop tard, hein, vu qu'on a tellement perdu de temps à attendre, ben. Les dames sont dispatchées pour aller faire l'épicerie. Et puis nous autres, les hommes, ben, on est retourné à Rimouski avec les flots. Parce que moi, je voulais vraiment aller au Griffon d'Or, tu sais, je retournerai pas à Rimouski. Fait que, puis mon collègue père, il voulait aller à l'Octan, je pense. Et puis on n'a pas réussi parce que ça fermait à 2 heures. Pourquoi? Et puis, fait qu'on a été le bien, le Malte, qui ça donnait, qui était direct en face du Griffon d'Or, donc c'est parfait. Donc le bien et le Malte, on se pognait des petites bières là, qui étaient correctes à mon avis, là, mais. Pas triper tant que ça, là, c'était une correcte place. Et puis, Griffon d'Or, hein, c'est ça. Fait que c'était bien cool de voir ça, cette boutique qui a quand même, ils ont agrandi, ils ont déménagé dernièrement, donc grande place, du stock, c'était bien, j'étais accueilli, c'était le fun de jaser avec le proprio, tu sais, comme je disais, entre propriétaires de boutique, tu sais, il y a des questions, tu sais, ah, toi ton racking, les jeux, tu mets quoi là-dessus, tu fais ci, fais ça, vous êtes dans les cartes, tu sais, comment ça marche. J'aurais été curieux de poser plus de questions sur les cartes Magic, les cartes, ils font des cartes aussi là-bas, ils sont dans les cartes, Pokémon et Magic, donc c'est un aspect, nous autres, que, ben non, on peut pas parce qu'on a pas de place, mais que peut-être on pourrait considérer si on a un très grand espace, puis c'est ce que je vise, qu'on ait un très grand espace. À voir. Mais c'est ça, vous pouvez voir ma publication Facebook, là, c'était le fun de jaser, mais bien sûr, on avait 8 enfants avec nous autres, fait que, pas comme si j'étais tout seul là, puis j'avais une journée devant moi, puis j'aurais pu comme chiller, puis discuter, puis checker tout comme il faut, puis en plus, il arrivait à 5h, tu sais, fait que c'était quand même précipité, tu sais, mais je suis content d'aller voir, belle boutique, alors si vous êtes dans le coin, allez là, c'est sûr que c'est un must, absolument. Donc voilà, c'était notre journée à Rimouski. Le lendemain, mercredi, on est allé au BIC, qui est un parc de la CEPAC gigantesque, entre Rimouski et Trois-Pistoles, à peu près, là, si je peux dire. Et puis, c'est un parc, c'est magnifique, tu sais. Fait que on a marché beaucoup sur le bord de l'eau, les jeunes ont grimpé dans le genre de rochers, falaises, je sais pas quoi, au bout. Mais là, la marée était haute, fait qu'il y avait des places qu'on ne pouvait pas passer. Puis, il y a une section aussi où est-ce qu'on peut voir des phoques. On en a vu, mais ils étaient très, très loin. Mais ça a été de la marche. On a marché, les enfants sont courus un peu partout. Puis, c'était pittoresque. C'était magnifique. Donc, une belle journée plein air. Donc, ça a fait du bien à tout le monde. Puis, la dernière journée là-bas, qui était la plus belle et la plus chaude, on l'avait planifiée pour rester au chalet puis profiter de la plage sur place. Donc, on s'est loué des paddleboards. C'est à la mode, hein, ça, des paddleboards. C'est comme une planche de planche à voile, pas de voile. Fait que tu te mets de bout là-dessus avec ta rame ou tu peux t'asseoir, whatever. Mais tu rames sur une planche, dans le fond. Fait que on avait loué deux. Il y avait une genre d'île là-bas. On a emmené les enfants et tout. Fait que ça a été pas mal, ça. Tranquille. À boire de la bière tête d'allumette sur le bord du feu puis à faire notre petite run là-bas. Mais tu sais, j'ai aimé ça. Ça m'a permis de déconnecter. Puis en redescendant, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. À Rivière-du-Loup, il y a ce qu'on appelle maintenant Noël au château. Quand j'étais jeune, qui je pense que je devais avoir 8 ans, je pense, parce que je me rappelle plus, mes parents, on était allés en voyage dans le Bas-Saint-Laurent, et puis on était arrêtés au château de rêve à Rivière-du-Loup. Donc c'est le même château, c'est la même place. Puis moi j'avais une photo de ça, et puis que mes parents ont pris de moi et ma grande sœur, qui a 5 ans de plus, devant le château, comme ça. puis quand j'étais petit, j'étais comme, ah, le grand château, tu sais. Puis ma mémoire était que cette affaire-là était absolument big et incroyable. Puis il y avait une baleine, puis il y avait une pièce de théâtre, puis on était allé voir tout le gros kit. Puis c'est ça. Mais puis moi, c'était comme un souvenir incroyable, tu sais, dans ma tête. Puis j'étais retourné là, justement, dans mon voyage à Rimouski, au cégep. On était arrêté en passant. Puis là, je pense que c'était l'époque où est-ce que le château il était abandonné. Ben, il n'était pas abandonné parce que ce lieu appartient à quelqu'un. Mais je pense que le propriétaire habitait carrément dans le château. Puis c'était comme, il n'y avait plus rien à voir là. C'était, tout était délabré. Puis j'avais pris des photos nature mortes de ça. Puis c'était vraiment le bordel. Puis c'était pas hot. Puis après ça, on m'a dit que ça a passé au feu, que ça a fait tout les temps. Mais le château existe encore. Et maintenant, ça s'appelle Noël au château. Et puis, il y a une boutique de Noël à l'année, donc à côté du château. Tu peux pas aller dans le château. Ben du moins à ce que je vois là. Je pense pas qu'il y ait rien là-dedans non plus, c'est vraiment juste un monument maintenant, mais bien entretenu. Alors, puis il n'y a rien à faire là, il y a juste rien à faire là. Mais je voulais y retourner pour refaire la photo exactement avec mes enfants qui ont maintenant l'âge que moi et ma sœur on avait à cette époque-là pour faire la même photo, tu sais, chose que j'ai faite. Alors, je suis très content d'avoir ça, tu sais, j'ai essayé que mes kids ils prennent la même pose que moi puis ma sœur on avait, donc... C'était bien drôle, puis j'ai envoyé ça à mes parents. Je mettrai la photo sur Facebook. Je vais la mettre sur Facebook. Je ferai un post avec ça, vous allez voir. Donc, ça n'a pas été long. Comme c'était à Rivière-du-Loup, le château, tu rentres, puis tu peux y arriver très rapidement. Donc, j'ai fait ça, puis c'était bien cool. Ça n'a pas été long. On est parti. Il y avait quoi? Il y avait un gros hôtel en face de ça, en diagonale, pas loin. J'ai oublié le nom, le Loupi. Ou quelque chose de même, un nom très rigolo. Mais tu sais, c'est comme triste un peu. Tu vois que c'était, à une certaine époque, ça, c'était la grosse affaire, le gros hôtel. Tout le monde arrêtait là, c'était hot, tu sais. Puis là, c'est clair, l'hôtel, il est fermé. Ça a l'air à l'abandon aussi, tu sais. Mais c'est gros, là. C'est triste de voir des grosses affaires fermées, abandonnées, tu sais. Puis il y en a plein des affaires abandonnées aussi. Je sais pas si c'est la création de l'autoroute, tu sais, qui a fait que... Tu sais, comme dans Flash McQueen... tout le monde prend la petite route là, des villes et villages, on arrête à des places, on essaye des choses, on va à l'hôtel là. Là, à cette heure, c'est autoroute à côté, on skip tout pour aller précisément à notre destination, tu sais. Peut-être c'est ça l'effet, mais je trouve ça triste de voir les baraques abandonnées dans les petites routes du long, les petites side roads là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais somme toute, ça a été très bien. Et puis après ça, on revenait à Montréal, le temps de se déposer un peu, puis de chiller. Puis j'ai rien fait, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'il y avait que j'ai fait à Montréal, là? Y avait-tu un tournoi de Mario Kart à l'arcade, ou c'était avant? Ah, c'était avant, ça. Fait que non, j'ai pas fait grand chose, puis je suis pas venu, je pense que je suis pas allé à l'arcade, puis je suis pas allé au magasin, puis je voulais comme me tenir loin de tout ça pour essayer de déconnecter le plus possible. Chose que j'ai semi-réussi à faire, comme d'habitude. Mais on avait comme plan aussi après ça aller à Ottawa, parce qu'en fait, ma conjointe et mes enfants te diront que non, mais au fond, oui, aiment bien les parcs aquatiques. Moi, m'en fous un peu. Mais un qu'on n'avait pas fait, c'était à Calypso, donc entre Montréal et Ottawa. Alors, le plan était de... On voulait pas faire un aller-retour à Calypso, parce que c'est trop long, tu sais, la route à Calypso, puis après ça, revenir en fin de journée, après avoir passé une journée au glissade d'eau, tu sais, t'es fatigué, tu sais. Fait que... on voulait pas faire ça, mais Calypso est vraiment plus proche d'Ottawa que de Montréal. Alors, on s'est dit, on va se louer 2 nuits à l'hôtel à Ottawa, et puis on va aller à Calypso en montant, puis après, on va enligner l'hôtel. Puis on va faire le lendemain une journée complète à Ottawa, et puis le surlendemain, on va revenir. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, Calypso, c'était très bien, mais sacrement qu'il y avait du monde, encore une fois. Puis même si c'est la COVID ou whatever, tu sais, comme, tu sais, on a réservé notre billet, on peut dire, notre arrivée sera à telle heure, tu sais. Mais là, c'est comme, ah, il reste-tu de la place? Comme, ah ouais, 500 personnes encore, 500 billets encore disponibles à chaque heure, tu sais. C'est comme, ok, eux autres, il n'y a pas de limite, tu sais. Fait que, oublie ça, là, c'était plein, c'était affreux. Vu qu'on est arrivé tôt le matin, on a pu faire une couple d'affaires rapide, mais en après-midi, les enfants voulaient même pas attendre de faire les glissades. Là. J'en ai fait une avec mon plus vieux, là. C'était comme un piège, tu sais. Tu voyais, la ligne faisait jusqu'à un coin, puis après ça, on dirait que ça avait l'air de finir là, mais il y avait comme une rangée de petits maisons, chalets, je sais pas quoi, que tu peux louer, là, tu sais. Fait que rendu au bout de là, on se retourne, puis on fait comme « Fuck! » Il reste encore deux tiers de la file en caché en arrière de ces chalets-là. Fait qu'on a attendu une heure et quelques là, pour finalement faire la glissade qui a duré, si on est chanceux, 10 secondes. Fait que ça m'a vraiment fait chier. C'était vraiment... Puis c'était pas si hot que ça non plus, on s'entend. Donc, tu sais, pour l'attente, là, fuck, man. Moi, je veux... Si j'avais pas d'enfant, jamais que j'irais dans ces places-là. Ou j'irais peut-être une fois de temps en temps quand je sais qu'il y a personne, whatever. Mais Chris, man, le monde qu'il y a, là, c'est exaspérant. Là. C'est vraiment pas le fun. Ben, on a passé une belle journée, tu sais. On a fait d'autres choses. Il y avait un genre de circuit où est-ce que l'eau, elle circule tout le temps dans le circuit. Un grand circuit, là. Tu sais, comme un Amazon, mais sauf pas de bouée, juste une petite planchette où tu peux aussi ne rien prendre puis être dans ce circuit-là, puis l'eau, elle te transporte, tu sais. Ça, les enfants, ils ont bien aimé ça parce qu'il n'y avait pas d'attente, tu peux te garrocher là-dedans, puis ça tourne, comme ça. Fait que ça, ils l'ont fait genre 8 fois, là, tu sais, parce que l'eau te transporte. Puis j'avoue, là, c'était chill. Fait que on a fait plus des affaires chill que des grosses glissades parce qu'il y avait vraiment trop de monde, là. Fait que, excusez, je regarde un truc. Yeah! Donc, rendu à Ottawa, je me suis rendu compte, ben, on était à l'hôtel, on a chillé, mais là, on cherchait de quoi souper. Fait que dans le coin de notre hôtel, on a trouvé un 3 brasseurs. Spécial. Mais il y avait une grisette qui était brassée, une des bières spéciales qu'il y avait là cette journée-là. Bière de la semaine, je sais pas quoi. Il y avait une grisette et puis elle était très bonne. Donc, tant mieux, ça c'était bien. Puis, tu sais, moi, à Ottawa, j'avais quand même des plans. Tu sais, il y avait des boutiques de jeux, le Games Zetera qui existe, qui était le plus proche, et puis le griffon bleu, celui-là. Ouais, parce que le griffon d'or à Rimouski, puis le griffon bleu à Ottawa. Je sais pas c'est quoi le trip des griffons, là, mais en tout cas. Griffon bleu, j'y étais déjà allé il y a un an ou deux, là, tu sais, mais c'est une place que je suis déjà allé dans leur nouveau spot, puis j'étais déjà allé aussi à leur ancien spot. J'ai déjà été là, puis c'est bien correct. Mais si j'avais à choisir, j'aurais voulu aller à une place que je suis jamais allé. Donc, je visais le Games Zetera, qui était anciennement le Cash for Games à Ottawa, ce qu'on m'a dit. Et puis, moi, je pensais que c'était quand même proche, mais non, il fallait vraiment que je prenne le char, tu sais. Fait que de l'hôtel, puis notre hôtel, il était vraiment plus du côté cravate, là, à Ottawa, parlementaire et tout ça. Puis, je suis déjà allé à Ottawa auparavant, bien sûr, dont avec Bruno, de Rétro, Bruno Georget, chroniqueur, Rétro Nouveau. On était allé en famille, sa petite famille puis la mienne. On était plus de l'autre côté, où est-ce que le Buy Market, le marché Buy, qui est une place où est-ce qu'il y a plein de bars, plein de restos, puis il y a un hôtel là, plus proche, là, de ce market-là, que notre hôtel qui était à l'autre bord, plus proche du Parlement. Tu sais, il y a comme, ça bosse plus du côté du market. Fait qu'on aurait dû aller là, tu sais, on était comme un peu plus... Rien à faire dans notre bout. C'est pour ça qu'on s'est juste trouvé un 3 brasseurs. Coudon, on était vraiment comme downtown vieux Montréal, mais avec moins de choses. Là, il y avait juste la rue Banks, je pense. Il y avait des restos dessus pour le reste, puis il y avait comme rien. Fait que c'était comme un peu plate. Mais c'est ça. Mais de cet hôtel-là, il aurait fallu que je prenne le char pour aller au Games Etc. J'aurais souhaité que ça se fasse à pied, mais j'ai mal calculé mes affaires, puis ça aurait été même trop long. Puis il fallait que je trouve un trou dans la journée. Parce que quand on s'est levé avec les enfants, c'est là comme, OK, on se prépare, puis on part marcher toute la journée dans Ottawa. On avait une croisière sur le canal Rideau de Bouquet en après-midi à 2h30. Fait que, puis là, il était 9h et quelques, 10h quand on est sorti. Fait que on s'est dit, on va marcher là, on va aller au Parlement, on va descendre en arrière. T'sais, on va marcher. Mais il faisait chaud. C'était la canicule raide. Oh, Chris, ça faisait 15 minutes qu'on était dehors. J'étais trempé. C'était les pauvres enfants, tu sais. Ils ont été patients, pour vrai, là, parce que vraiment, vraiment pas yard. En arrière du Parlement, tu peux descendre sur le bord de l'eau, la rivière des Outaouais, me semble, que c'est ça, ce cours d'eau-là. Et puis, tout le long, il y a une piste cyclable, puis des escaliers qui descendent, tu sais, c'est comme un palier, un autre palier, un autre palier, un autre palier. Donc, c'est la façon que c'est fait, tu descends beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches, mais tu t'en rends pas trop compte, parce qu'il y a plusieurs paliers. Fait qu'on a marché là, on était à l'ombre, sur le bord de l'eau, c'était moins pire un peu. On a remonté, on a marché, puis là, on a vu le gros centre d'achat Rideau, là, j'ai oublié le nom. Et puis le market, il était de l'autre côté. On voulait marcher jusqu'au market parce que c'est là qu'il y a le plus d'affaires, tu sais. Fait qu'on n'a pas passé à travers le centre d'achat, on a fait le tour. Puis on a marché comme des malades. Puis là, on voulait manger, c'était l'heure de dîner. On s'est dit, on va manger au market quelque part. Mais là, on allait mourir. Fait qu'on a mangé dans le food court du centre d'achat à l'air climatisé pour juste donner un break à tout le monde. On va aux toilettes, on se met de l'eau dans la face, on mange, puis on boit des affaires froides. On respire, puis après ça, on retourne braver les dunes, là, tu sais. Fait que c'est ce qu'on a fait. Un Subway n'aura jamais été aussi ici relaxant. Puis les enfants, tu sais, les enfants, c'est compliqué de les nourrir aussi, là, parce que mon plus jeune, il veut rien savoir de rien, là. On peut pas lui donner des frites, puis des hot dogs tout le temps, là, bien sûr, tu sais. Fait que là, il chiale. Le plus vieux, il veut tout le temps des hamburgers, tu sais. Fait que là, au moins, Subway, General Tao, un petit peu de riz, tu sais. On essaie de trouver quelque chose pour les nourrir mieux, mais c'est ça, c'est bien du resto, tu sais. On a juste été au resto dans notre séjour à Ottawa. Fait que quand on est revenu, on voulait des légumes, tu sais, puis se faire des pâtes, puis de quoi de petit peu plus standard, disons. Fait que c'est ça. Fait qu'on est allé marcher dans le market. J'ai croisé le resto-bar qui s'appelle Atari. Là-bas. Puis ça, c'est un piège, puis je le savais aussi, tu sais. C'est pas en l'honneur de la compagnie de jeux vidéo, tu sais. C'est en l'honneur du mot Atari en japonais qui désigne, je pense, c'est ce que mon ami Eric Hébert a dit, hit the target, tu sais, comme tirer dans la cible. Donc, tu sais, mais moi, je trouve ça tellement con. Tu sais, tu prends le nom de quelque chose qui est mondialement connu pour de quoi, c'est-à-dire être un système de jeux vidéo, tu sais, comme légendaire. Puis là, t'appelles ton commerce comme ça, mais attention, non, c'est pas en rapport aux jeux vidéo, tu sais, c'est parce que nous autres, on utilise ce mot-là, là, tu sais. C'est comme, Chris, man, tu vas piéger tout le monde, tu sais, c'est quoi, là, c'est quoi? Tu peux pas prendre un mot connu comme ça, tu sais, puis appeler ton affaire, puis finalement, c'est pas ça que tu fais, hein? C'est quoi que les gens vont penser, tu sais. Fait que, puis en plus, sur leur pancarte, je vais le lire, là. C'est écrit « Play with food and drinks ». Donc, ils utilisent le mot « play ». Donc, ils pèsent encore plus sur le bouton de te dire « Il y a peut-être de quoi atterrir ici ». Tu sais, ben finalement, pas pantoute. Tu sais, vous voyez, là, la pancarte dehors, là. Tu sais, ça va tout fucker mon... C'est ça, là. Fait que c'est quand même très écrit « Atari », là, tu sais. Puis « Play with food », fait que... Moi, je me dis, bon, OK, c'est un resto, tu sais, il y a peut-être une petite station, tout ça. Fait que c'était fermé. Puis en me mettant la face dans la vitre, j'ai comme vu un genre d'arcade cocktail fait maison petite dans un racoin qui n'avait pas de l'air utilisé. Peut-être qu'il y avait une station, mais je pense pas. Je regarde la photo, je pense pas non plus. Donc, tu sais. Mais ça a été un addon que je tombe face à face avec ça. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé cette place-là weird. Puis c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment moyen. Mais je voulais juste le mentionner. Et puis, vous irez voir ça ou non. J'ai regardé les reviews qui semblent correctes, là, tu sais. Mais les gens sont méchants sur les reviews ces temps-ci. Je vois ça aussi pour l'arcade, là, tu sais. Le monde, Chris, donnez-nous une chance, là, aux opérateurs de bar et de resto, là, tu sais. Les gens y arrivent, puis... comme des princes, puis ils s'attendent que tout soit parfait, alors que nous autres, on est comme dans un bordel, là, tu sais, puis trouver du staff, tu sais, c'est compliqué, puis t'es pas fuck you, tu sais, si t'aimes pas ça, reste chez vous, là, en tout cas, ouais. Donc, c'est ça, et puis, on n'a pas fait grand-chose d'autre à Ottawa, hein, notre petite croisière sur le canal Rideau, ben, c'était pas grand-chose à voir, hein, finalement, pour quelque chose qui durait quand même très long. Au moins, notre petite guide bilingue était très drôle, alors ça, c'était bien, les enfants, ils ont trouvé ça plate, tu sais, plate, Les enfants font juste ça. C'est pourri, c'est plate, c'est pourri, c'est plate. C'est juste ça qu'on entend à longueur de journée. Alors, c'est très déprimant pour nous, les parents. Tout ce qu'ils veulent, c'est être avec des amis, tu sais, puis chiller. Fait que c'est ça. Donc, ça n'a pas été un succès, cette croisière. Là, on est revenu à l'hôtel. On est allé dans la piscine de l'hôtel. Ça a été un grand succès. Demande le highlight de mes enfants du voyage. C'est quoi, tu sais? C'est-tu d'avoir visité un sous-marin? C'est-tu d'avoir vu le Parlement du Canada? C'est-tu d'avoir, tu sais, non. Eux autres, ça va être genre la machine à bonbons qu'il y avait dans le poste à gaz où est-ce qu'on a arrêté. Ça va être les chips aux pickles qu'il y avait pendant qu'ils jouaient à des jeux vidéo. Ça va être la piscine de l'hôtel. Puis ce genre de conneries-là. Ou la fois, puis ça, c'est ça qu'on a fait. Ou la fois qu'on les a laissés tout seuls à la chambre d'hôtel quand nous, les parents, on est allés manger ailleurs, tu sais. C'est ça qu'on a fait la journée, le soir à Ottawa. On a dit, hey, mangez des beurrés, là. Puis comme gamer tant que vous voulez, on s'en sac. Nous autres, on s'en va manger. Puis ça va coûter moins cher. On vous entendra pas chialer. Puis eux autres, on peut, hein? Eux autres sont super contents. Comme, mangez tout. L'exigence, c'est que toutes les raisins soient terminées. Donc, mangez toutes les raisins, là, ça sera votre fruit. Beurrez au beurre de peanut pour le grand. Beurrez au soya pour le petit, parce que le petit n'aime pas le beurre de peanut. Mais il adore le beurre de soya. Et puis, that's it. Gamez, mangez, s'il y a de quoi, texte-nous. Tu sais, on dit ça aux plus vieux. Fait qu'ils ont joué à Brawl Stars. Moi et ma blonde est allé manger au Beer Market. Il y a un Beer Market à Ottawa. Fait que j'étais pas très proche de notre hôtel, bien sûr. Alors, j'étais pas. Il y en a un au centre-ville de Montréal. Je sais pas si c'était encore ça. Ça remplaçait la queue de cheval. Donc, j'étais pas très dépaysé, disons, dans la restauration ottawanaise. Et puis, c'est quand, comment est-ce qu'on dit les gens d'Ottawa? Hein? Mon plus vieux dit que c'est des Ottawains. Peut-être. Trouve ça drôle. Donc, Beer Market, et puis à 9h, on nous donnait l'addition pour qu'on s'en aille, parce que ça fermait. T'sais. On était mercredi soir, je comprends, il y a moins de monde, puis tout, mais sacrément. Hein? Fait que, tu sais, Ottawa, ça n'a pas été un grand succès, je dirais, là, tu sais. C'est pas. Puis, j'ai pas pu visiter de Game Shop ou whatever, parce que. Là, je me disais, j'ai dit à ma blonde, quand on va partir, demain matin, on pourrait arrêter à Games Etera, tu sais, en y allant, c'est pas vraiment un détour. Mais finalement, nous autres, on était prêts à partir à 9h30, puis eux autres, ils ouvraient à 11h. Fait que là, je vais pas attendre tout le monde, comme, bon, ben, fuck, je verrai pas ça. Fait que là, on s'est dit, ah, mais si on bifurque par Gatineau, j'ai peut-être le temps d'aller au Griffon Bleu, tu sais, question d'assouvir un certain... Mais là, tu sais, c'est ça, il est à 9h30, le temps qu'on parte, qu'on arrive à Gatineau, c'est quand même pas loin, là, je me dis, on va arriver à moins 5. Puis, tu sais, des fois, les boutiques, là, ils ouvrent pas précisément 10 heures, whatever, tu sais. Si jamais le gars, il est pas là, ça va retarder. Puis, moi, je vais être sous pression, mes enfants, on est comme, on s'en va-tu? Puis, ça me tentait pas partout. J'ai dit, comme, fuck off, on s'en va d'ici. Fait qu'on a quand même passé par Gatineau. Et puis, là, je me dis, hey, on s'en va, on va passer proche, peut-être, de Saint-Jérôme, whatever. Je peux-tu aller voir une place? On va arrêter au GameX, tu sais, à Saint-Jérôme, voir Danny. Et puis, mais là, finalement, c'était quand même un détour. Et là, je dis, you know what? Oublions ça. Papa Cassette ira pas voir des boutiques de jeux vidéo, finalement. Allons-nous à la maison, puis tout le monde va être mieux. T'sais. Fait qu'on a crissé le camp, et ce fut la fin de notre voyage à Ottawa, qui fut bien moyen. Fait que c'est pas... tu sais, il aurait fallu que, pendant que tout le monde se lève le matin, que moi, je me lève vraiment plus tôt, ben même à ça, ça aurait pas marché, parce que les boutiques étaient fermées. Puis j'allais dire que je prenne le char et que j'y aille. Mais tu sais, je peux pas couper la journée là, en disant à tout le monde, OK, revenez à l'hôtel ou je vais retourner à l'hôtel, prendre le char, aller à la boutique, je vais revenir, je vous retrouve. Tu sais, ça se peut pas. Là, ça n'aurait pas marché. Fait que c'est ça. Mais je chiale beaucoup. Là, mes enfants, ils ont été corrects. Là, tout, là, ils ont vraiment été bien corrects. Donc, c'est ça. C'était pas de rêve. Et puis, c'est vraiment... On avait fait des road trips de chummy à Ottawa. Puis je pense que c'est vraiment la meilleure façon de... Que j'aille mon fixe de plaisir personnel. Là. Mais justement, je voulais pas que mes désirs personnels empiètent sur ce qu'on allait faire familialement. Alors, j'ai pas visité de microbrasserie non plus à Ottawa ni rien. Là. On a vraiment juste fait famille. Alors, ce fut ça. Par contre, vous avez vu que dans un post Facebook, je suis allé au Pro du Rétro, au marché aux puces métropolitain. Ouais. Et puis, 5 étoiles métropolitain, je me rappelle plus. C'est probablement la même affaire. Moi, j'y vais juste. Je sais que c'est là, mais je regarde pas la pancarte. Dans ma tête, c'est métropolitain. Et puis, je me rappelle plus quand que je suis allé là. Après Ottawa, avant, entre les deux, en tout cas, pendant mes vacances. Parce que je savais qu'il y avait un bac là, plein de jeux Super NES. Puis maintenant que je fais le full set Super NES, ben c'est comme stimulant d'aller dans une boutique de jeux vidéo. Ben, souvent, tu sais, je vais dans une boutique pour le fun, tu sais, mais je trouve vraiment pas grand-chose que j'ai de besoin parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Mais s'il y a un gros jeu, tu sais, comme de Super NES ou n'importe quel gros jeu que je veux ou du Switch, tu sais, good. Mais là, sachant que je peux acheter plein de marde de Super NES, du filler, ben là, ça devient intéressant. Je peux fouiller dans un bac à marde partout où je vais puis acheter tout ce que j'ai pas. C'est ce que je voulais faire, entre autres, au pro du rétro, mais finalement, j'ai pas... Faut que je fasse attention aussi dans le set Super NES que je fais. Moi-même, ayant une boutique de jeux vidéo, on reçoit du Super NES à toutes les semaines, tu sais. Fait que si on l'a ici, je le paye pareil, mais je le paye quand même pas mal moins cher que si je l'achète à des particuliers ou à des boutiques, là, tu sais. Fait que le feller, tu sais, moi, j'ai pas d'intérêt à l'acheter à full price ailleurs, tu sais. Il va me passer entre les mains ici un jour ou l'autre, puis il va me payer 2$, tu sais, 3$, je m'en fous, là, tu sais. Fait que faut pas que j'aille. Puis c'est ça mon piège, puis vous avez vu mon post Facebook sur mon jeu DS de Konami Classic Arcade, tu sais, c'est plate parce que j'ai acheté le jeu-là à 60-80$, peut-être, je m'en rappelle plus, là, sur eBay, puis à une... Quelques jours plus tard, whoop, il est apparu en magasin, j'aurais pu le payer au cost, tu sais, qui aurait été la moitié du prix de ça. Mais trop tard, je l'avais acheté, fait que fuck it. Fait que c'est ça. Faut pas que je me dépêche trop. En fait, j'ai la chance d'avoir la chance quand même de travailler fort pour, là, on s'entend. J'ai une boutique de jeux vidéo, puis le stock Super NES rentre ici. Fait que si je l'achète à gros prix ailleurs, puis après ça, il nous arrive ici, tu sais, comme ça va coûter bien plus cher. Donc, c'est ça mon thinking, tu sais. Quand je fouille des bacs de filler, je suis pas si ferré que ça en Super NES, tu sais, comparé au NES, mettons, je vois du filler. Je sais pas exactement encore quel filler est moins. Est plus rare que d'autres, parce que, tu sais, Mario Paint, tu sais, ça, c'est pas un problème, il y en a des millions partout. Mais tel jeu de baseball ou de Kawasaki, tu sais, il y a un jeu de Kawasaki qui est moins commun que l'autre, parce que je me suis jamais intéressé au filler Super NES. Fait que là, soudainement, je m'intéresse à ça. Là, je pense qu'il y en a un qui est peut-être plus rare. L'est-il vraiment? Tu sais, je suis pas tout à fait sûr. Tu sais, j'y vais vraiment avec ce que j'ai vu qui a passé en magasin à venir jusqu'à date. Et puis, si on l'a jamais eu ici, filler ou high-end, ben, high-end, de toute façon, je me connais plus, ben, je me dis que ça doit être du filler un peu plus rare. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté Bassins Black Bass au Griffon d'or. Puis, je voulais aller fouiller les bacs du Pro du Rétro pour ça aussi. Tu sais. Cependant, tu sais, il manque des gros jeux comme Lufia 2, Brainlord, des RPG du genre, tu sais. Mais ça, je veux pas acheter ça en boutique, parce que il va en avoir ici un jour ou l'autre, là, tu sais. On en a déjà eu, ils sont vendus tout de suite, tu sais. Ça, c'est pas un problème, là. Fait que je cherche vraiment des affaires moins communes, tu sais, de masques, mettons, des affaires de même. Qui est déjà venu ici en boutique, il était magané, je pense. Donc, voilà. C'est ça, j'étais parti avec ce thinking-là au Pro du Rétro. Et puis, dans le bac à filler, je pense pas avoir détecté du filler qui me passerait jamais entre les mains ici. T'sais. Fait que j'ai rien pris dans le bac. J'ai regardé tout. J'ai tout regardé ce qu'il y avait là-bas, parce que c'est tout le temps le fun. Puis dans la section Super NES, dans le présentoir, il y avait bien sûr une poubelle de jeux que j'ai pas. Mais c'est ça. Puis c'est bien correct, là, t'sais, comme ils vendaient le prix du marché. Un petit peu plus en regardant Price Charting, si on se dit que Price Charting est le marché. Mais bien sûr, pour les jeux de 100$ et plus de Super NES, le marché, c'est pas nécessairement Price Charting. Mais bref, ils vendaient le full price, puis ce qui est bien correct. Puis moi, je checkais pour un Mousia. Et puis, il y avait un autre jeu aussi, donc je checkais, je m'en rappelle plus. Mais le Mousia, il était pas parfait sur le dessus. Le bac, il était vraiment pas beau. Ils m'ont proposé de le changer, tu sais. Fait que peut-être, tu sais. Mais là, je me suis dit, si j'y prends du filler, peut-être qu'on peut négocier de quoi. Mais tu sais, en même temps, ça me tentait pas tant de gosser tant que ça non plus. Là, j'étais fatigué cette journée-là. Fait que finalement, j'y ai pensé, puis j'ai décidé de laisser faire. Fait que j'ai pas... Parce que Mousia, il va passer ici en magasin de toute façon. Un jour ou l'autre, c'est pas si rare que ça. T'sais, j'envoie des copies de ça. C'est juste que ceux-là qui sont pas passés ici, ça n'était pas belle. C'est pas. Il y avait par contre une incantation au Pro du Rétro. Puis ça, c'est pas commun. Puis ça, je le cherche. Malheureusement, il était en mauvais état. Mais s'il avait été en bon état, je l'aurais acheté tout de suite. Mais il est en mauvais état. Puis je veux pas acheter des gros jeux à 200-300$ pour être obligé de les upgrader plus tard. Là, c'est du gossage. Fait que c'est ça. Il y avait un bac de jeux Switch aussi en arrière. Ben, pas en arrière, mais au centre. Avec, tu sais, comme au 4/5e des jeux pas vraiment intéressants. Mais au travers de ça, il y avait des choses. Des choses nice. Wild Guns Reloaded, Ninja Saviors. Genre un jeu de Limited Run, tu sais, des Metroidvania. Comme, il y avait des petites perles au travers de ça, donc si vous passez là, checkez ce bac-là, ça peut vraiment valoir la peine. Fait que c'est ça, j'ai été très bien. Tu sais, j'avais mon t-shirt d'Arcade MTL, puis le propriétaire, Jonathan Brochu, il a dit « Ah, regarde son t-shirt, lui, c'est clair qu'il cherche des jeux à des jeux plus chers ou des trucs pour la collection ou whatever, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Je sais pas si c'est qui que je suis, tu sais. Tu sais, je veux pas dire, hey, je suis ce gars-là, tu sais. Je suis propriétaire Retro MTL et tout. Je pense que oui, mais je sais pas. Francis était là aussi, bon vieux Francis, le sidekick. Tout le temps bien gentil. Fait que c'est ça, tu sais. On s'est déjà obstiné avec le pro du rétro, tu sais, à Messenger. En messagerie de Retro MTL, des petites altercations, pas rapport, sur des oui-dire de d'autres personnes qui parlent dans notre dos, puis qui disent des affaires aux pros du rétro, puis qui disent des affaires. T'sais, le monde, ils font ça comme ils enveniment. C'est ça, il y a des gens qui font ça dans la vie, envenimer tout. Vous le voyez avec la COVID, là, ces caves-là, ils n'ont rien à faire. Là, fait que là, il parle dans le dos d'un, il dit que lui, il parle dans le dos que l'autre, fait que lui, il met en tabarnak, fait que là, nous autres, on s'obstine, c'est comme « what the fuck », tu sais. Comme « hey, on travaille ». Faut pas écouter ça, là, tu sais. Laissez le monde travailler, esti. Mais ça, on n'est jamais à l'abri de ça. Fait qu'on y a déjà eu des altercations légères, là, avec le pro du rétro par rapport à ça. Moi, j'en tiens pas rigueur du tout, puis c'est comme « d'où si tu veux qu'on se parle, tu sais, j'y vais à ton magasin de toute façon de temps en temps, fait qu'on va se parler ». Mais c'est bien correct. Je ne sais pas s'il m'a reconnu. La prochaine fois, je me présenterai peut-être plus officiellement. Parce que je ne sais pas si lui, c'est quoi sa vision par rapport à nous. Genre, s'il nous haït ou whatever, tu sais. Mais moi, j'essaie de maintenir d'être cordial avec tout le monde. Et puis de maintenir des bonnes relations. Pour ça que je vais dans les boutiques. Puis, tu sais, sauf dans cassette. Quand on est allé à Tremblant, pas l'année passée, c'était la COVID, mais l'autre d'avant, on est arrêté là, toute la gang, on a acheté plein de jeux, tu sais. Moi, je vais dans les places, je dis bonjour, j'achète pour ma collection, puis voilà. C'est sûr, tu sais, Game Over aussi, tu sais. C'est sûr qu'on est tous en compétition, entre guillemets, tu sais. Puis pro du rétro, encore plus, je peux dire, parce qu'on est les deux à Montréal, tu sais. Mais je pense que il y a de la place pour deux facilement, puis il y a son public, il y a sa clientèle, on a la nôtre, puis je pense pas qu'il y ait matière à mettre le feu nulle part par rapport à ça, tu sais, on fait toutes nos choses et puis tout va bien, fait que vivre et laisser vivre, respecter et travailler, surtout, fait que c'est ça. Mais vu que j'étais dans le marché aux puces, il y a une autre boutique là-dedans qui existe depuis super longtemps aussi. Tout le temps la même place, tout le temps la même grosseur. Ça s'appelle Stefco. On m'a partagé, j'imagine le propriétaire s'appelle Stéphane. Il est comme anglophone, mais je pense qu'il parle aussi français. Oui, il m'a parlé en français. En fait, c'est la première fois que j'entendais le son de sa voix. Fait que j'ai regardé le Super NES. Je me suis trouvé trois jeux. Vous l'avez vu sur ma page Facebook aussi. Donc, pas cher. En dessous de price charting pour le total. Donc, j'ai finalement upgradé mon Super Off-Road au Super NES. J'avais un Made in Mexico. Là, j'ai un Japan. Il y a une petite coche dans le plastique, mais tu sais, ça va aller. Je suis correct. Là, je peux maintenant dormir tranquille. Fait que payer cash, pas de taxes. Petite facture écrite griffonnée à la main. Ah, ok, c'est ce genre d'affaires-là. Je pense que si je retourne en disant « Hey, mon jeu, il marche pas avec cette petite facture, pas certain qu'il va me le rééchanger. Mais ouais, c'est ce genre de business-là. T'sais. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. Hein. J'aurais souhaité faire plus de boutiques de jeux, whatever, pendant mes vacances, que ça soit axé un petit peu plus jeux vidéo. Mais ça, c'est correct. On n'a pas eu le temps. Puis, il n'y a pas de stress avec ça. Ça sera pour plus tard. Par contre, j'organise avec des amis un genre de road trip à Québec dans le mois de septembre. Et puis, là, ça va être un, cassette et bière chasing. Et puis, on a des amis à Québec, bien sûr, dont notre excellent ami Damien, qui habite là-bas, puis qui possède une pinball neuve des Turtles. Il s'est acheté ça, lui. Il est millionnaire. Et puis, donc, on veut partir une gang, probablement deux chars, ça fit dans deux chars. Et puis, on va chasser les jeux et on va chasser les bières. Alors là, je suis en train de faire un genre de Google Map avec des layers. Donc, un layer destination bière, un layer destination jeu, et puis un layer hôtel. Là. On va regarder où est-ce qu'on peut dormir. Puis moi, je veux retourner au McFly aussi. J'y suis allé une fois seulement. Puis j'étais allé en après-midi avec ma blonde. Fait qu'on n'est pas resté longtemps. Puis il y avait une couple de machines qui ne marchaient pas. J'étais comme, ah fuck, j'aurais aimé ça, ils essayaient ceux-là. Mais ça fait longtemps, t'sais, ça fait plusieurs années. Fait que là, depuis ce temps-là, ils ont fait un genre d'agrandissement, ils ont beaucoup plus de machines. Puis ce que j'aime du McFly, c'est leur... ils ont des belles machines old school, t'sais. Moi, je veux jouer à Burger Time, je veux jouer à Moon Patrol. Il y a une R-Type aussi, là, comme des hosties de belles machines, ça, que j'aimerais avoir dans mon sous-sol, là, t'sais. Fait que j'aime la sélection. Il y a les pinballs pis tout, fait que j'ai vraiment envie de retourner essayer ça. Alors, on va aller là, probablement samedi soir, bien sûr, mais on va faire les spots. Là. Moi, j'aimerais aller à la planque au jeu, place que je suis jamais allé encore. On va probablement retourner chez Flip, parce qu'on est les gars. Dédé, peut-être, on peut passer par là. Maintenant, ça s'appelle le spécialiste, je pense, ils ont changé de nom. Mais si on n'est pas loin ou que ça donne, on pourra aller creuser là-dedans. Il y a un micro-play à Beauport, là, pareil, qui est pas pire pantoute. Il n'y a pas nécessairement tant du rétro, mais on me dit, mais qu'il y en a, mais on me dit aussi que ils sont ça coche dans le Switch, puis qu'ils font un peu comme nous, ils ont du limited run, puis tout, fait que peut-être qu'ils ont des affaires que j'aurais besoin. Donc si on peut aller là, c'est un peu à côté, mais on a peut-être le temps. Puis je vais aller chez Jeux Illimités aussi, qui est vraiment pas loin du downtown autour du McFly. Il y a des spots à bière, puis il y a Jeux Illimités qui est là, puis la planque est là. Donc tout ça est assez rapproché. On va peut-être même que ça se fait à pied. Donc c'est ça. Et puis c'est tout. Ah ben j'aimerais aller au marché Opus, là, voir Retro PJ Games. Et puis je pense que dans ce marché Opus là, il y a aussi une affaire qui s'appelle Zone Tronic. Fait que pourquoi pas? Je suis jamais allé là. Ça, j'aimerais ça voir ça. Donc, c'est les destinations que j'ai pinées sur ma map. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ça va être quelque part en mois de septembre. Donc, voilà. Je vous ai juste raconté mes vacances comme ça. j'ai rien d'autre à parler, là, vraiment. Je me suis pas... J'ai rien vu vraiment dans le monde des jeux vidéo. J'ai pas joué à grand-chose. Présentement, je joue à Runer sur Switch, un jeu que je voulais vraiment faire, que j'ai joué il y a un bout. Je l'achève, je pense. J'en parlerai plus profondément. Mais je suis vraiment plus en mode écouter la TV, là, présentement, avec ma blonde. Fait que je joue juste à ça pas mal. Donc, par contre, j'ai commandé hier sur Wayfair deux meubles télé bas pour refaire un peu mon setup dans le sous-sol. Parce que là, j'étais comme déçu que ce soit mon garçon qui ait le main spot avec la grosse TV puis tout, puis moi je suis obligé de gamer dans mon lit ou en haut sur l'autre télé, puis de mettre mes consoles partout, puis si jamais je veux jouer en bas, je suis dessus, moi à l'Atari, il faut tout que je déplugue la PS4, je replugue, puis tu sais que je gosse, puis ça, j'aime pas ça, fait que je vais me réapproprier l'espace principal, je vais mettre deux bas meubles de télé, parce que j'arrivais pas à en trouver un très large, parce que je vais aligner toutes mes consoles, j'en ai à peu près une dizaine à brancher, 1, 2, 3, 4, 5, une à côté de l'autre, 1, 2, 3, 4, 5 en dessous, deux télé, une CRT, puis une HD, puis parce que là, je peux pas jouer à l'intellivision, parce qu'il est juste, ARF, il est pas modifié, puis j'aimerais rebrancher ma PS2 en component, ma Saturn en S-Video, parce que je trouvais l'image vraiment crisp. T'sais. Puis j'ai un upscaler RetroTink qui fait un excellent job. T'sais. Mais tu perds l'image un peu pareil. Puis je pense que j'ai plus de plaisir à jouer sur une CRT pour ces affaires-là. Puis j'arrive pas à faire passer mon Atari 7800 en S-Video ou en composite à travers le RetroTink parce qu'il perd la couleur puis tout. Puis il faut que tu cliques. Je suis pas 100% vraiment satisfait du RetroTink pour être franc. Il n'y a pas de lag puis tout, t'sais, ça c'est merveilleux pour ça. Tu perds de la résolution d'image, t'sais. Mais t'sais, pour quiconque veut jouer aux consoles rétro sur une télé HD, c'est à king coche, là, t'sais, c'est parfait. Là. Mais moi, je suis peut-être un peu plus piqué, puis moi, ça me dérange pas d'avoir une télé CRT en plus de brancher. J'aime ça, jouer sur une CRT. Fait que c'est ça. Je vais remettre deux télés en bas, puis je vais tout rebrancher mes consoles en bas comme il faut. Ça va être mon coin. Je vais mettre une autre télé dans le coin avec la PS4 pour mon fils. Anyway, je joue même plus à la PS4 présentement. Son trip de Apex est terminé. Fait que on verra quand il va se reploguer un moment donné, whatever. Fait que je vais rebrasser la soupe un peu, là, puis je suis tout excité parce que je regardais ces meubles-là. Je veux pas payer cher, tu sais, pour ça. Parce que dans mon sol, tout bouge tout le temps. Tu sais, je veux pas visser des affaires dans les murs ou des affaires de même. Parce que ça bouge beaucoup, tu sais. Mon plus vieux, ça va être quoi ses besoins? Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il va avoir un bureau ailleurs. Tu sais, faut que ça soit pas 100% permanent, tu sais. C'est ce qui me dérange, mais en même temps, j'ai pas le choix. Alors, au lieu de faire un meuble custom à 2000$, ou de prendre un vrai gros meuble télé, tu sais, comme, je voulais pas que ça coûte cher. Fait que j'ai pris deux meubles pareils, un meuble x2 à 80$. C'est pas super beau, mais c'est pas laid non plus, puis ça va faire parfaitement la job. Puis, mais présentement, j'ai un maudit meuble IKEA à casier, là, avec les consoles dedans, comme tout le monde a. Puis, il est trop haut, parce que ma télé est trop grosse. Fait que ça dépasse devant ma bibliothèque de jeux, tu sais, mais moi c'est comme surélevé ça là dans mon mur, là, vous avez vu peut-être dans le temps. Fait que la télé, elle dépasse devant les jeux, puis ça me gosse là au plus haut point. Alors je veux que ça soit plus bas, tu sais. Fait que voilà, donc là je suis tout excité de tout ça. Il y en avait plus sur Wayfair finalement, j'étais en tabarnak. Il y en avait chez Walmart, mais il était plus cher. Finalement j'ai regardé sur Amazon, comme hey, il y en avait plein. Fait que j'ai amazoné ça, je vais les avoir mercredi. Dans deux jours. Demain même, peut-être. Fait que ma blonde est en congé encore cette semaine, on va pouvoir recevoir ça. Puis là, je vais être fucking excité en fin de semaine de monter tout ça. C'est, je capote ma vie. Il n'y a rien de plus plaisant dans la vie que de travailler sa game room, tu sais, puis de remettre ça propre, puis à ton goût. Fait que ça va être mon projet de tout remettre ça clean. Je mettrai des photos. Et puis, ben voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Dernier petit point aussi, en fait, on a tout rapatrié le stock de chez JF dans le QG de Retro MTL pour Retro Nouveau. Donc là, on est à l'étape où est-ce que tout est empilé là-bas. Il faut setuper le studio ici. On s'est ouvert un board Pinterest dans lequel on trouve des idées de ce qui serait beau pour faire. Et puis, on va essayer de faire ça. Cependant, là, Fred est extrêmement occupé chez Tribute, puis il va l'être là jusqu'à en septembre aussi et tout. Donc, je sais pas ça va être quoi ses disponibilités par rapport à ça. Donc, je doute qu'on réussisse à faire de quoi de vraiment hot tant que ça. On peut s'en occuper, moi, de Bruno aussi, là, tu sais, mais ça va quand même mieux à trois. Comme Fred est comme plus responsable de la technique maintenant, vu que c'est lui qui a tout. Alors, on verra, mais j'ai peur qu'il soit très peu disponible. Alors, suivez la page Facebook de Retro Nouveau. On annoncera les détails en temps et lieu. Donc voilà, il faut que j'aille travailler parce que moi je suis tout seul ici, tout seul de propriétaire parce que Joe est en vacances pour deux semaines de ménage. Alors beaucoup de dossiers à gérer et puis bien des affaires qui se passent ici. Mais ça va bouger beaucoup à l'interne chez Retro MTL en septembre. On a engagé Maxime Laverdière et dernièrement. On a engagé deux, Jean-Sébastien aussi. J'ai oublié son nom de famille. Je suis désolé. C'est correct, je pense pas qu'il écoute le podcast. Donc deux nouveaux Godweb. Et puis là, Olivier, notre Godweb principal, est en vacances présentement. Marc-Antoine est revenu. Fait que là, ce département-là va être quatre. Alors ils vont être autonomes. Tu sais, faut qu'on refasse la hiérarchie à l'interne ici. Qui va où? Joe va retourner en magasin, ça c'est un peu un bureau là-bas. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va être à cheval un peu entre les deux. On va redistribuer les tâches, tu sais. Il y a beaucoup à faire présentement, parce que là, on est un petit peu trop pile-mail. L'entreprise est rendue à ce niveau-là, qu'on est assez gros, qu'il faut rebrasser tout ça, puis faire vraiment un squelette. Ça, eux, ils font ça, ils sont autonomes, eux, ils font ça. Cette personne-là répond de cette personne-là. Puis, dérange pas cette personne-là parce que c'est à cette personne-là qu'il faut que tu parles. Puis, tout ça. Faut qu'on remette un peu d'ordre, tu sais. Peut-être qu'on va engager aussi une personne en haut pour chapeauter tout ça. Puis, qui nous remplacerait aussi à bien des niveaux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en développement. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si on va aller de l'avant, si on est prêt. Disons que ça serait un step très important si on le fait. Alors, c'est à voir. Mais, ouais, bien occupé. C'est bien excitant. L'arcade aussi, on cherche un deuxième animateur, je pense qu'on a déjà beaucoup de candidatures, une personne à l'accueil, il faut que je publie ça tantôt. Ça bouge, c'est le fun, c'est stimulant. J'ai plein de café dans le corps, puis il faut que j'aille travailler. Donc, mes petits amis, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce 80e épisode. Donc, c'est un beau chiffre 80, c'est un beau chiffre rond, mais j'ai rien fait de spécial. Mais si on réussit à setuper le studio ici, que c'est un studio rotatif, on aimerait peut-être que ça soit pas comme permanent, tu sais, visser notre logo dans le mur avec nos tablettes. Peut-être ça va être juste des green screens aussi, puis comme ça, il demeure versatile. Donc, ça sera peut-être... Excusez, je viens de voir une notification. Ça sera peut-être possible que j'enregistre mon podcast là-bas, tu sais, en ayant le background papa cassette. Peut-être que je pourrais même mettre du gameplay. Je sais pas. Tout est peut-être possible. On veut travailler là-dessus. Ben excitant. Bon, hey, c'est assez. Faut que j'y aille. Donc, merci les gens, et puis à bientôt!